est aveuglante, la source, le phare aveugle aussi bien. Puis il ne supprime pas la nuit, par définition. Et puis il ne peut pas grand-chose contre la brume. Il peut aider un peu, mais enfin, la puissance du phare est très relative. Hein.